que je dis constamment pendant les années qui viennent. Toujours tester vos pensées contre les miennes. Tester, tester, tester, tester. Je suis une bonne règle de mesure contre l'imperfection de vos pensées. Et si vos pensées conviennent avec ce que je dis, à ce moment-là, vous êtes en harmonie vibratoire avec votre propre intelligence. S'il y a un débalancement temporairement à cause de vos émotions, à ce moment-là, vous le saurez. Au moins, vous pourrez vous voir progresser. Vous pourrez vous voir vous renforcer. Il faut éventuellement que vous vous serviez de ce que je dis pendant les années comme règle de mesure contre vos pensées subjectives. Naturellement, ça demande un certain état d'esprit, ça demande un certain niveau d'évolution. Sans ça, vous allez tomber dans le doute. Qui suis-je, moi? Qui suis-je? Autre qu'un homme qui parle. Et tester ses propres pensées contre les dires d'un homme qui parle, ce n'est pas une grosse... ce n'est pas une grande preuve de son intelligence. Mais c'est tout de même une mesure qui se raffine. Il y a des gens qui sont capables de tester leurs pensées contre ce que je dis. Ils s'aperçoivent qu'il y a une relation, qu'il y a une concordance. Alors, ces gens-là avancent très rapidement dans leur intelligence. Mais si vous prenez toujours le côté de vos pensées contre ce que je dis, il est évident que vous évoluerez très lentement parce que vos pensées sont encore très lourdes. Et automatiquement, vous serez prisonnier du jeu de ces intelligences qui se servent de vous pour manifester sur le plan matériel les conditions de votre propre évolution. Il n'y a pas pour l'homme d'autre issue que lui-même. Il n'y a pas pour l'homme d'autre issue que lui-même. Même s'il m'était permis de travailler avec vous d'une façon autre, d'une façon qui relève de l'éther, ça ne changerait rien, parce que vous auriez quand même vos pensées. Les hommes sont aussi impuissants devant le miracle ou devant le pouvoir de l'énergie qu'ils le sont devant leur propre pensée. Regardez Thomas et le Nazaréen. S'il y a une chose qui n'est pas bonne pour l'homme, c'est la preuve. Un homme qui a besoin de preuves pour savoir n'est pas intelligent. Il est croyant. Il devient croyant par la preuve. Et je vous dis, un jour vous réaliserez que la preuve est la dernière et le dernier outil, le plus puissant des outils dont se serviront les forces de l'astral contre l'homme. Parce que l'homme est naïf. Donnez à un homme une preuve et automatiquement il devient disciple. Alors de moi, vous n'aurez jamais de preuve. Jamais. De moi, tout ce que vous aurez pendant les années, c'est le langage, la parole. Vous serez obligé pendant des années de raffiner, de raffermir votre intelligence. De la raffiner. Pour arriver un jour à être tellement dans votre intelligence que aucun ombrage ne pourra voiler votre vision. Ce sera votre seule sécurité, surtout à la fin du cycle. Votre seule sécurité. Vous-même. L'homme est tellement loin de reconnaître et de savoir ce qu'est de l'intelligence, tellement loin, qu'un homme qui n'est pas préparé et qui a accès à de l'intelligence, se retourne contre lui-même, il devient fou. C'est pourquoi nous sommes obligés, pendant des années, de raffiner notre intelligence, de raffiner notre corps mental, pour en arriver à nous dévêtir complètement de notre psychologie, qui n'est que le produit de cette télépathie ambiante, qui est sans cesse et constante pendant des années de temps. Pourquoi vos souffrances dans l'avenir? Toujours pour tester votre intelligence, tester votre intelligence, tester votre intelligence. C'est la seule raison de vos souffrances. C'est pour tester votre intelligence. Pour tester jusqu'à quel point vous êtes capable de demeurer neutre dans votre intelligence sans être affecté par le doute à cause de vos émotions sur votre mental. C'est la clé de votre survivance. Alors, la formulation dans vos vies de... ou l'élucidation de vos problèmes, c'est très important. Bien plus important que vous vous imaginez. Aujourd'hui ou dans le passé, vous avez vécu vos problèmes parce que vos problèmes faisaient partie de votre vie. Un jour, vous réalisez que vos problèmes sont créés par eux. Et quand vous réaliserez que vos problèmes sont créés par eux, vous deviendrez extrêmement fort et intelligent à les détruire. Vos problèmes sont créés par eux. Et tant qu'il y aura de l'espace dans votre esprit pour eux, il n'y aura pas d'espace dans votre esprit pour l'intelligence. Les intentions que vous avez dans la vie ne sont pas vos intentions. Un jour, vous comprendrez ceci. L'intelligence est instantanée et elle se manifeste de façon instantanée. Il n'y a pas possibilité d'intention dans l'intelligence. Je vais vous dire pourquoi. L'inconscience existe sur le globe. L'inconscience existe sur le globe parce que, dans le passé, l'homme n'a jamais été expliqué le réel. C'est pourquoi l'inconscience existe sur le globe. Si le réel avait été expliqué à l'homme, la situation aujourd'hui serait différente, la civilisation serait autre. Et vous allez me dire, mais pourquoi on a attendu si longtemps? Et la raison pour laquelle on a attendu si longtemps, c'est parce que l'homme n'était pas suffisamment intelligent pour comprendre les paroles d'aujourd'hui. Il aurait été impossible à l'homme, il y a 2000 ans, de comprendre les paroles d'aujourd'hui. Parce qu'il y a 2000 ans, l'homme vivait une vie qui était très très différente d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, l'homme s'aperçoit de l'échec de son intelligence. Et l'homme devait s'apercevoir de l'échec de son intelligence avant d'avoir accès à ses paroles. Et à la fin du 20e siècle, alors que la science est devenue la grande reine, alors que les efforts de l'homme sont reconnus dans le monde entier, il est possible à l'homme de reconnaître l'échec de son intelligence. Et c'est pourquoi maintenant, il est possible à l'homme de connaître les lois de l'intelligence. Pour qu'il y ait évolution, il faut qu'il y ait des conditions qui conviennent à cette évolution. Et dans le cycle qui vient, les conditions qui conviennent à l'évolution sont là. La guerre, la destruction, la famine, la pauvreté, le système qui chambranle tout sur le globe, qui semble ne plus aller en rond, parce que les hommes n'ont plus d'intelligence. Ils n'ont seulement que des passions, des convoitises, qui sont formulées dans leur cerveau à leur insu par des intelligences qui se nourrissent de l'esprit de l'humanité. Lorsque vous aurez bien compris ceci à l'intérieur de vous-même, à l'intérieur de vos petites actions de tous les jours, vous commencerez à être intelligent et vous vivrez de belles vies. Vous vivrez des vies qui sont à la hauteur de vous-même et qui conviennent à votre intelligence et qui conviennent à votre esprit. Et à ce moment-là, vous verrez que l'homme est un être très noble, très grand, qui peut aller très loin et qui, dans son esprit, est absolument infini. Et à partir de ce moment-là, vous n'aurez plus cette petite dimension de vous-même qui a été pendant des siècles ou des années incarcérée dans votre ego, votre petit moi. Il y a des gens parmi vous qui ont l'impression d'être petits, d'avoir de petites personnalités. Un homme qui a l'impression d'être petit, d'avoir une petite personnalité, de ne pas avoir beaucoup à offrir, de ne pas avoir beaucoup de ci ou de beaucoup de ça. C'est un homme qui souffre d'intelligence. Il n'a pas suffisamment d'intelligence en lui. C'est un homme qui est contrôlé par l'astral. Un homme qui est libre de l'astral et qui n'a pas beaucoup d'éducation se sent grand quand même. Je connais des gens qui n'ont pas beaucoup d'éducation, qui ne peuvent pas brasser de grosses affaires dans la vie, mais qui ne sont pas affectés par cette télépathie ambiante et qui se sentent de grands êtres. Ils se savent de grands êtres. Ils sont bien dans leur être-té. Et ils ne souffrent pas de l'appauvrissement temporaire de leur vie d'incarner sur le plan matériel, qui coïncide avec leur plan de vie pour l'évolution de leur corps subtil. Un homme ne peut pas se permettre de se rapetisser devant ses yeux. Aucun homme ne peut se permettre de se diminuer devant lui-même. Parce qu'un homme qui se diminue devant lui-même avoue par la fin même implicitement qu'il n'est pas dans son intelligence. Un homme qui est dans son intelligence ne peut pas se diminuer devant lui-même, au contraire. Ce n'est pas l'éducation qui fait le moine. Mais l'éducation fait de beaucoup d'hommes des moineaux. Et dans un âge où la psychologie cartésienne ou la psychologie philosophique a tendance à catégoriser les gens, à les mettre dans des boîtes pour mieux manipuler les unités humaines à l'intérieur d'une société, il est évident que beaucoup d'individus, à cause de leur manque d'intelligence, à cause de leur manque de centricité, à cause du fait qu'ils sont toujours dans cette maudite relation avec l'intelligence ambiante, ces gens sont incapables de se voir tels qu'ils sont, d'être bien dans leur peau, à la mesure de leur esprit, pour le bénéfice de leur être, en relation et en convention avec leur évolution. Alors, si vous avez tendance à vous penser petit, faites attention, c'est pas très bon pour la santé. D'un autre côté, si vous avez tendance à vous penser grand non plus, c'est pas très bon pour la santé. Vous devriez vous situer entre les deux. L'orgueil, ça n'a jamais fait grandir personne. Et l'humilité, ça rapetisse trop. Alors souvent, on est pris dans une société de géants et de nains. Sachez que toutes les conventions de votre psychologie, toutes les conventions de votre esprit sont directement le produit d'une infamie contre l'homme. Et lorsque vous aurez bien géré ceci, que vous l'aurez réalisé dans votre expérience personnelle, quand vous vous aurez fâché contre cet état d'esprit, il y aura chez vous des changements. Et automatiquement, vous deviendrez un petit peu plus intelligent, ainsi de suite. Et avec les années, vous deviendrez à la hauteur de ce que vous êtes. Et un jour, vous serez bien. Et vous fonctionnerez en relation de gens qui sont bien, qui se sentent bien, et vous ferez des choses qui sont bien. Et lorsque le temps viendra pour l'homme de se dédoubler, à ce moment-là, vous ferez autre chose. À en attendant, je vous souhaite de bien réaliser la fine ligne de démarcation qui existe entre l'intelligence pure et l'intelligence, même haute intelligence, voilée de la télépathie ambiante. Il faut que vous en arriviez un jour à juger tout par vibration, rien par pensée. La vibration deviendra la règle de mesure de votre jugement, jamais la pensée. La pensée ne peut pas juger la pensée parce que déjà la pensée est jugée par la pensée. Et comme la pensée est déjà jugée par la pensée, elle n'a aucun recours. Elle n'a aucun tribunal supérieur à elle-même. Alors, si la pensée n'a pas de tribunal supérieur à elle-même, où voulez-vous que l'ego aille dans la compréhension, dans la réalisation de sa certitude, de son intelligence? Nulle part. La seule chose qui est au-dessus de la pensée, c'est la vibration. Et la seule chose qui n'est pas facile à reconnaître, c'est la vibration. Reconnaître la pensée, c'est facile. Reconnaître la vibration, c'est autre chose. Et l'homme doit s'habituer à la vibration. Il doit s'habituer à saisir, à sentir la vibration. Et vous ne pouvez pas dire qu'elle n'est pas là dans votre vie. Elle est là dans votre vie. Mais il faut que vous vous habituiez à la sentir, à la percevoir, au-delà de vos pensées, de vos émotions. Elle tranche toute question, la vibration. Elle est permanente et réelle. Elle n'est jamais diluée. Elle n'est jamais conditionnée par l'homme et elle n'est jamais conditionnée par l'astral. Un jour, quand vous serez suffisamment ajusté dans vos corps, à ce moment-là, cette vibration pourra devenir de la communication télépathique directe. Et à ce moment-là, vous serez en contact avec la lumière et vous serez. Et ce que vous serez sera ce que vous devez savoir. Et tout ceci sera sans faute. Si vous réalisez que le monde des morts est dans l'esprit de l'homme, et dans le cerveau de l'homme, dans l'espace ici, de tous les hommes sur la Terre, et que tant qu'il y a espace dans notre cerveau, ce monde cohabite avec nous, ça vous donne une idée jusqu'à quel point nous sommes prisonniers, non pas de nous-mêmes, mais avec nous-mêmes. Je dis, nous sommes prisonniers avec nous-mêmes, non pas de nous-mêmes. Parce que ce n'est pas la faute de l'homme. L'ignorance sur la terre n'est pas la faute de l'homme. L'ignorance sur la terre est la faute de l'expérience de l'homme. Mais l'expérience de l'homme sera fine et sera finie pendant des siècles. Mais elle n'est pas évoluée. Mais elle sera finie. C'est pourquoi aujourd'hui l'homme est plus intelligent qu'il y a 3, 4, 5, 10 000 ans. Mais l'expérience sur la terre est toujours en relation avec l'expérience de l'homme. Alors, ce n'est pas l'homme qu'il faut blâmer, c'est l'expérience de l'homme. Mais où faire la différence? Il y en a une. L'expérience de l'homme est à blâmer lorsque l'homme, à cause de son expérience, n'est pas suffisamment évolué pour comprendre et écouter ceux qui savent. C'est l'histoire des initiés. C'est pourquoi il y a des hommes qui sont suffisamment évolués pour entendre et écouter les initiés, ceux qui savent. Il y a des hommes qui ne le sont pas. Et ceux qui ne le sont pas ne peuvent pas s'asseoir à la même table. Non pas parce qu'ils ne sont pas bons, non pas parce qu'ils ne sont pas grands dans le temps, mais parce qu'ils ne sont pas prêts. Et les initiés n'attendent jamais après les hommes. Mesurez vos pensées contre ce que je dis pendant des années. Et si vous réussissez à mesurer vos pensées contre ce que je dis, vous réussirez à détruire le pouvoir de la télépathie ambiante sur vous-même. Le pouvoir de la parole est absolu. Ce n'est pas moi qui dicte la parole. Elle se manifeste, la parole. Moi, je suis un canal. Je n'y suis pour rien. Mais je connais le prix de la parole. Pour que l'homme puisse en bénéficier un jour. L'homme, un jour, doit être capable de s'assurer. De s'assurer de son immortalité. Et ceux qui ne peuvent pas s'assurer de leur immortalité peuvent tout de même s'assurer d'avoir su quelque chose qui les servira lorsqu'ils retourneront sur l'autre plan. De sorte que tu avertis, ils pourront servir l'homme de l'autre côté au lieu de le desservir. Et même il y a des plans pour ces hommes. Parce que ceux qui mourront éventuellement et qui auront su, qui auront compris certaines choses, ne seront pas localisés dans le même monde que nous appelons le monde de la mort. Mais ceci, j'en parlerai plus tard.